بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نشرع اليوم في باب المرور بين يدي المصلي. On commence aujourd'hui le sous-chapitre lié au passage devant, juste devant le prieur. Le passage juste devant le prieur. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, an Abi Juhaym, al-Harith ibn Summa, al-Ansari, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أربعين يوما أو شهرا أو سنة. Selon أبي جهيم الحارث ابن صمة الأنصاري رضي الله عنه qui dit: Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Si celui qui passe juste devant le prieur lorsqu'il prie savait la gravité de son acte, il aurait mieux fallu pour lui qu'il attende 40. Il aurait mieux fallu pour lui qu'il attende 40. Abu Nadr, il nous dit, la Adri, je ne sais pas si ce qui est voulu par là, c'est 40 jours, 40 mois ou 40 ans. فهذا الحديث فيه تحريم المرور بين يدي المصلي وأنه إثم عظيم. Il y a dans ce hadith l'interdiction quant au fait de passer juste devant le prieur et que ceci est un péché énorme. وهذا الإثم أعظم من الوقوف مدة طويلة. Et ce péché est plus grand que le fait d'attendre un long moment. وهذا يشمل كون المصلي مع سترة أو بدونها. Et cela englobe le fait de passer juste devant un prieur qui a une sutra ou alors qui n'en a pas. أما إن كان المصلي له سترة فمر المار خلفها فلا بأس. Et donc si celui qui prie, il a la sutra devant lui et que celui qui passe, il passe derrière la sutra, alors là, il n'y a pas de mal. Amma in marra bayna yadayhi fa huwa dakhilun fil hadith. Par contre, s'il passe juste devant le prieur, c'est-à-dire entre lui et la sutra, alors là, il rentre dans le hadith. Dhakara al-ulama arba'a halat fi ma yata'allaqu bil murur bayna yadayhi al-musalli. Les savants, ils ont cité quatre situations concernant le fait de passer juste devant le prieur. أولاً أن يكون الإثم خاصاً بالمار. La première situation, c'est que le péché soit spécifique à celui qui passe. Le péché est spécifique à celui qui passe. حيث احتاط المصلي فلم يكن في طريق الناس واتخذ سترة وكان للمار مسلك آخر. Et donc le péché dans cette situation, il s'applique à celui qui passe. Pourquoi? Parce que celui qui prie a pris ses précautions. Il ne prie pas sur la voie, le chemin sur lequel les gens passent. Et aussi, il a utilisé une sutra. Et en plus de cela, celui qui est passé devant lui, il avait la possibilité de passer ailleurs. Alors à ce moment-là, le péché est à celui qui est passé devant lui seulement. La deuxième situation, c'est le contraire de cela. C'est-à-dire, le péché, il est à qui? Au prieur. Al musalli. Kayf. Comment? Lam yahtat. Et donc, il n'a pas pris ses précautions. Sallafi tariqin nas. Il a prié sur le passage. Ou lam yattakhidh sutratan, il n'a pas pris une sutra. Wa lam yakun lilmari maslakun akhar. Et celui qui passait, qui est passé devant lui, il n'avait pas un autre chemin pour passer. Il n'avait que ce chemin-là. Et donc, à ce moment-là, il n'y a que le prieur qui est pécheur. Al-halatu al-thalitha. La ya'thamu ahaduhuma. Aucun des deux n'est pécheur. Ittakhadha المصلي سترة ولم يصلي في طريق الناس ولم يكن للمار مسلك آخر. C'est-à-dire que celui qui priait, il a pris ses précautions, il n'a pas prié sur le passage, il a pris sa sutra, et celui qui est passé devant lui n'avait pas le choix, il n'avait pas d'autre passage. Il n'avait pas un autre passage que cela. Alors à ce moment-là, aucun des deux n'est pécheur. La dernière situation, Rabi'a, Ya'thamu al-Rajulain. Les deux, ils sont pécheurs. Falam yahtatil musalli. Celui qui prie n'a pas pris ses précautions. Lam yattakhidh sutratan aw salla fi tariq an-nas. Il n'a pas pris ses précautions, il n'a pas pris une sutra, ou alors il a prié sur le passage. Wa amma al-mar فَكَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَسْلَكَ مَسْلَكًا آخَرَ. Celui qui est passé devant lui, par contre, il avait la possibilité de passer ailleurs. Mais il est passé devant lui quand même. فَيَأْثَمَنِ جَمِيعًا. Et donc les deux vont avoir le péché. Ça c'est un avis qui a été rapporté par Ibn Dark et Qal'id, et il a été suivi par beaucoup de savants sur ce sujet. وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إن المرور بين يدي المصلي منهي عنه مطلقا. Et certains savants, ils voient qu'il est totalement interdit de passer devant celui qui prie. Totalement. De passer juste devant lui, je veux dire. Même s'il a prié sur la voie publique, il a prié sur le passage, il n'a pas pris de sutra, tu ne passes pas devant lui. Tu attends. وهذا القول قال به ابن حجر رحمه الله. Donc cet avis est l'avis d'Ibn Hajar. وكذلك تابعه ووافقه الشيخ العلامة النجمي رحمه الله. Et le Cheikh al-Najmi, il l'a suivi et il est d'accord avec lui dans cela. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوقوف مدة طويلة خيرا من المرور. Ils ont dit pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré que le fait d'attendre longtemps, c'est mieux que de passer devant le prieur. Wala shakka anna al-asla fi shar'i at-taysir. Mais il n'y a nul doute, les frères, que la base dans la législation, c'est la facilité. وهذا القول فيه شيء من المشقة على الناس. Et il y a dans cet avis une forme de difficulté. Une forme de difficulté qui s'applique aux gens. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah, il veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. فلو وقف الرجل أمام باب المسجد وصلى وقتا طويلا ما نستطيع الخروج وقد يترتب على ذلك أضرار كثيرة. Si un homme il prie aujourd'hui devant la porte de la mosquée, à chaque fois on va, on veut sortir, on veut pas sortir. Pourquoi? Parce qu'il est encore là en train de prier. C'est lui qui fait injustice. Il prie devant la porte, mais nous on peut pas sortir. À cause de cela, cela peut être la cause de beaucoup de maux. Et ça va être une grande difficulté pour les croyants. إذن يحمل هذا الحديث على كون المصلي لا يتعدى فلا يصلي في طريق الناس. Et donc ce hadith-là, on le comprend concernant le cas du prieur qui ne dépasse pas les limites et qui ne prie pas sur le passage des gens. فلذلك تكلم العلماء كالشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز في ما يتعلق bi al musalli fil mamar fil haram. Et vous pouvez constater que les savants tels que Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymin, ils ont abordé le sujet. Il va prier sur le passage dans le haram, dans la mosquée sacrée, à la Mecque ou à Médine. Si on s'arrête à chaque fois qu'on voit une personne qui prie sur le passage, ça peut être très très très difficile de sortir de la mosquée. Surtout à notre époque, avec l'ignorance profonde qui est propagée et les gens qui prient n'importe où, les gens ne font aucune attention, passage ou pas passage. À ce moment-là, tu peux trouver une très très grande difficulté à rentrer ou à sortir de la mosquée. وَكَذَلِكَ فِي مَنْ صَلَّى أَمَامَ الْكَعْبَى وَالنَّاسِ يَتُوفُونَ. Les savants, ils ont aussi parlé de celui qui prie en face de la Kaaba, alors que les gens, ils font le tawaf. C'est pas l'endroit pour prier, les gens, ils font le tawaf, tu les déranges. Et ça peut être dangereux même. Ça peut être très dangereux. Ils s'arrêtent pour éviter de te marcher dessus pendant que tu es prosterné. Il y en a un qui vient derrière lui qui le pousse, etc., etc. Ça peut être dangereux. Combien d'accidents arrivent comme cela? Et donc, il est important de faire attention à cela. Barakallahu fikoum. Ensuite, le cheikh, l'auteur, rahimahullah, il nous dit « An Abi Sa'id, qu'on l'a sami'atu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yakoul » إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. Selon Abi Saïd qui dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, lorsque l'un d'entre vous prie en direction de quelque chose qui le cache des gens. Donc une soutra, quelque chose qui le préserve et le protège des gens. Et si quelqu'un veut passer entre lui et cette chose, alors qu'il le repousse. Si quelqu'un veut passer entre lui et cette chose, alors qu'il le repousse. Et si celui-ci refuse de passer ailleurs, alors qu'il le combatte. Car certes, c'est Shaytan. Awalan. Premièrement, où est-ce qu'on met la sutra? Devant où? Wahid? Franchement, si t'arrives à crier comme ça... Où on met la tête, après une coudée. Hein? Où on met la tête, il y a une coudée. Après une coudée. En plus, tu mets le mbal, ce jeu de mon casse-midi. Qualat-il ulama? Inna al-musalli yaj'al... أو يضع السترة هذه السترة تبعد عن المصلي بثلاثة أذرع إن كان قائما إن كان قائما. Les savants ils disent que la sutra elle est éloignée du prieur d'une distance de 3 coudées. Ça c'est lorsque celui-ci est debout. وإن كان ساجدا. Par contre, si le prieur il est prosterné, alors c'est la distance qui suffit pour le passage d'une brebis. Pour le passage d'une brebis. Akhraj al-Bukhari wa Muslim an Sahl ibn Sa'd qala kana bayna musalli Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa bayna al-jidar mamar shah. Al-Bukhari et Muslim, ils ont cité dans leur recueil selon Sahl ibn Sa'd qui dit qu'il y avait entre le lieu de prière, l'endroit de prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et entre le mur, l'espace pour le passage d'une brebis. El-Muraduhuna, mawdi' sujud. Ce qui est voulu ici, l'endroit où le prophète priait, c'est l'endroit où il se prosternait. L'endroit où il se prosternait. Donc entre la tête et la sutra, il y a le passage d'une brebis. أما القيام فجاء في مسند الإمام أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة فقال بلال رضي الله عنه ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع. Et donc, en ce qui concerne lorsqu'il est debout, alors il a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié à l'intérieur de la Kaaba. Et Bilal, il décrit cela et il dit, alors, puis il a prié, alors qu'il y avait entre lui et entre la Qibla, 3 coudées. C'est-à-dire entre lui et le mur, entre lui et la sutra, il y avait 3 coudées. Taïb, kayfa takunu hadhihi sutra? Comment est-ce qu'elle va être cette sutra? أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن السترة فقال مثل مؤخرة الرحل. L'imam muslim il a cité dans son sahih selon Aïcha radiallahu anha que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé concernant la sutra. Alors il a répondu en disant, elle est comme la partie arrière de la selle du chameau. La partie arrière de la selle du chameau. Wa aqwalu ahli al-ilmi takhtalifu fi maqdar mu'akhkharat ar-rahl bayna adh-dhira' wa thuluthay adh-dhira'. Fama qaraba adh-dhira' jaza ittikhadhuhu sutratan. Et donc les avis des savants divergent concernant donc la hauteur de la partie arrière de la selle du chameau. Ils divergent. Certains qui nous disent que c'est une coudée, d'autres qui nous disent que c'est les 2/3 d'une coudée. Et donc, ce qui est proche d'une coudée, les savants ils disent, tant que cette sutra elle est proche d'une coudée, la hauteur d'une coudée, alors cela suffit, inshallahu ta'ala, pour accomplir la prière. Wa yu'khadhu min al-hadith أن المرأة إن قصر فلم يصلي إلى سترة ومر بين يديه أحد فلا يدفعه لأنه هو المقصر. Et aussi on tire du hadith que l'individu, si c'est lui qui est négligent et qu'il n'a pas mis devant lui une sutra, que quelqu'un veut passer devant lui, alors il ne le repousse pas. Il ne le repousse pas. Parce que c'est lui qui a été négligent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « إِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ » Il nous dit « Lorsque l'un d'entre vous prie en direction de quelque chose qui le cache des gens. » Donc là, il y a la condition. Toi, tu n'as pas respecté cette condition. Et après, tu veux le pousser. Alors non. Tu le pousses, tu l'empêches de passer si tu as mis la sutra. Comme il a dit le Cheikh Al-Najmi, « Rahimahullahu ta'ala » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا.